se réveille, chargé de fruits et de fleurs, sa vie, sa crie et sa chance, que l'on respire à plein cœur. Un oiseau vient d'un coup d'aile, sautiller sur mon balcon, chaque fois que je le vois, qui entre dans ma maison. Quand on est heureux dans la vie, c'est du soleil qui nous est promis chaque jour. Quand le ciel est gris, quand il pleut, c'est du soleil que tu portes en toi, mon amour, mon amour, mon amour. Du sommeil, les arbres sont en bourgeon. Quand le printemps refleurit, l'hiver n'a plus de prison. La rose invite une abeille à commencer sa moisson. Et de la ruche à la fleurie, pendant toute une saison. Quand on est heureux dans la vie, c'est du soleil qui nous est promis chaque jour. Quand le ciel est gris, quand il pleut, c'est du soleil que tu portes en toi, mon amour, mon amour, mon amour. Un enfant qui s'émerveille devant un cirque ambulant.